بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في دروسنا في التفسير on continue les cours donc dans le tafsir. Et donc aujourd'hui on fait l'exégèse de sourate Al-Humazah. Sourate Al-Humazah est sourate Makkiyah. Et donc c'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit Waylun li kulli humazatil lumaza. Dans la traduction, souvent c'est cité malheur, Waylun. On verra inshallah Ta'ala. Malheur à tout humazatil lumaza. J'ai vu dans certaines traductions calomnieur. Calomnieur. المعنى أو ما يأتي أكثر عند أهل العلم عند المفسرين الطعان. Ce qui est le plus répandu chez les savants du tafsir, c'est الطعان, c'est-à-dire celui qui critique. Celui qui critique. La différence entre humaza et lumaza, on le verra inshallah ta'ala, mais dans tous les cas, ça va dans le sens de critiquer. Et donc malheur à celui-ci. الذي جمع مالا وعدده. Celui qui rassemble, qui amasse de l'argent et qui le dénombre, il le décompte. يحسب ان ماله اخلده. Il pense que son argent va l'immortaliser. كلا لينبذن في الحطمة. Non. Mais non. Il sera jeté dans Al-Hutama. Al-Hutama, un des noms de Jahannam, du feu. On verra la signification tout à l'heure, inshallah ta'ala. Wa ma adraka ma al-Hutama. Qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Narullahi al-Muqada. Le feu d'Allah qui est attisé. Allati tattali'u ala al-Af'ida. Ce feu qui monte jusqu'au cœur. Innaha 'alayhim mu'sada. Certes. Celle-ci, donc ce feu, est renfermé sur eux. Ils ne pourront pas sortir. Fi amadin mumaddada. Dans des piliers étirés. Ou avec des piliers qui sont étirés. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, waylun li kulli humazat illumaza. Malheur. Ici, ayyuha al-ikhwa, idha sami'tum fi kitabillahi ta'ala hadhihi al-kalima, wayl. فَتَنَبَّهُ لِمَا يَأْتِ بَعْدِ. Lorsque vous entendez cette parole dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, « Wayl, le malheur », alors faites très attention à ce qui est cité après. لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْوَعِيدِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. Car cette parole montre le fait que la menace s'applique à toute personne qui est décrite par l'attribut qui est cité après. Et donc ici, malheur à qui? Quel est cet attribut? Humazat et lumaza. Ikhtalafat aqwal al-ulama fi dhalik. Les savants, ils ont divergé dans la signification de humazat et lumaza. Tout à l'heure, j'ai dit que en général, ça revient toujours à la critique. Celui qui critique. فَمِنْهُمْ وَهُوَ الْأَشْهَرْ. Ce qui est le plus répandu. وَظَاهِرْ صَنِعِ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلْ هُوَ الَّذِي يُرَجِّحُهُ هُوَ هُمَزَ بِالْقَوْلِ لُمَزَ بِالْفِعْلِ. La parole qui est la plus répandue, et je pense, wallahu alam, et d'après ce qu'on comprend de l'écrit d'Ibn Kathir, c'est l'avis que lui-même, il juge le plus juste, c'est que Humaza, c'est celui qui critique par la parole. Lumaza, par l'acte. Lumaza, par l'acte. Le fait de montrer, de critiquer par, en faisant des signes, etc. Lumaza. Par contre, Humaza, c'est celui qui va critiquer par la parole, avec sa langue. Certains savants du tafsir nous disent « Humaza » الذي يطعن في الوجه لماذا الذي يطعن في الغيب. Certains disent celui que donc humaza, celui qui critique en face de toi. Lumaza, c'est celui qui va te critiquer lorsque tu es absent. Et d'autres explications ont été données, et en général, elles reviennent toutes vers la critique. Et cela nous montre ce caractère horrible, ô cher frère. Ha'oula, alladhina yat'anuna fi ikhwanihim laylan wa naharan. Ces gens qui ne font que critiquer leurs frères jour et nuit. C'est leur occupation. Al-bahthu wa taftishu an uyubin nas. Le fait de chercher les défauts des gens, c'est l'occupation qu'on a. Ah, un tel il a fait ci, un tel ça, un tel. Toute la journée on cherche que à ça. C'est grave. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici la gravité de cet acte. Waylun, malheur à celui qui fait cela. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Celui qui rassemble, qui amasse de l'argent et qui le dénombre. Ayyuha al-ikhwa, hal al-ghina mamnou' fi din al-islam? Est-ce qu'il est interdit d'être riche en islam? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. On a déjà vu dans cette mosquée la divergence des ulama entre qu'est-ce qui est préférable d'être pieux et pauvre et de faire beaucoup d'actes d'adoration, ou alors être riche et dépenser dans le bien. On a vu cette divergence entre les ulama, et que beaucoup de savants, ils voient que ce qui est mieux, c'est celui qui a de l'argent et qui donne. Ils construisent des mosquées. Hein? Et certains savants nous disent même que le pauvre qui fait des actes d'adoration, souvent, il les fait parce qu'il y a un riche qui a dépensé avant. Lorsque tu es venu ici, tu viens, tu aimes faire ta prière à la mosquée, etc. Il y a des gens qui ont dépensé pour que la mosquée soit là. Et donc, notre religion ne nous interdit pas la richesse. Qu'est-ce qui est voulu ici? Premièrement, ici, on voit dans la langue arabe, pour ceux qui étudient, Esaf. On a, dans la langue arabe, on a Nahu. Nahu, que les gens traduisent en général par la grammaire. Et en réalité, je ne sais pas si on peut traduire Nahu par la grammaire. Nahu, c'est l'étude de la fin des mots. C'est l'étude de la fin des mots. C'est ça qui est voulu par Nahu. As-sarf, c'est l'étude du mot en lui-même, les transformations que le mot va avoir dans sa structure en elle-même. Addada, par exemple, on a ici adda, compter. Et ici addada. On a une différence, on a une même base, mais on a une différence. Les savants, ils nous disent ici, cela indique que l'action se répète. L'action se répète. Comme la différence entre Kotele et Kotele. Kotele, il a tué. Kotele, il a tué. Et donc, Addede, il a son argent, Jama'a Ma'alan, il rassemble de l'argent, wa yu'addidu. Vous avez déjà vu certaines personnes, il a son compte bancaire, au matin il se réveille, première chose qu'il regarde, combien sur le compte? Alhamdulillah, le million il est toujours là, alhamdulillah. À 10h du matin, il sait qu'il n'a rien dépensé, il retourne encore, alhamdulillah. À 14h, alhamdulillah. Ainsi de suite. Et donc il est tellement accroché à son argent, يعدده. À chaque fois, on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui a diminué? متعلق بماله. Il est trop accroché à son argent. هذا هو المذموم. C'est celui-là qui est blâmable. C'est pas le fait d'être riche qui est blâmable. C'est le fait que tu sois accroché à cet argent. Il se peut que tu sois riche. وانت لا تبالي بهذا المال. et que tu n'accordes aucune importance à cet argent. Allah Azza wa Jalla t'a accordé, il t'a donné, mais tu n'y accordes aucune importance. Il y a de l'argent, il n'y a pas. C'est la même. Pourquoi ? La chose la plus importante pour toi, Yawm al-Qiyamah. Voilà, c'est ce que je veux. Lui, il n'est pas blâmable, louable. Il dépense dans le bien, il fait ses obligations, alhamdoulilah. T'as, par contre, celui qui est accroché à son argent, son argent l'empêche de faire du bien. C'est lui qui est blâmable. Ibn Kathir nous rapporte dans son tafsir une parole de Muhammad ibn Ka'b, rahimahullah, qui dit concernant cette parole, il rassemble de l'argent et il amasse de l'argent et le dénombre. Il dit Al-Hahu maluhu bin nahar Hada ila hada Faïda kan al-leilu Nama ka annahu jifatun muntina. Il nous dit Mohammed ibn Ka'b, il nous dit son argent la distrait toute la journée. Pendant toute la journée, son argent la distrait. De telle occupation à telle occupation. À chaque fois, on va vers l'argent. Droite, gauche. Argent, argent. Comment gagner ? J'ai fini de travailler à telle heure. Il y en a, ils ont 3 emplois dans la journée. Trois emplois dans la journée. Tu lui dis, billah, y aller. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Oui, mais il faut. Subhanallah. Hier encore, j'apprends, il y en a. Le magasin, il est encore ouvert le jour du Eid. Le jour du Eid, le magasin, il est ouvert. Je dis, subhanallah, il a lié à l'adim. Le jour du Eid. Et lorsque c'est les jours fériés, bitan nasara, là, on ferme. Là, on ferme. Le jour du Eid, le jour de fête des musulmans, non, il faut encore ramener de l'argent. On est trop accroché à cet argent. Il nous dit, Mohammed ibn Ka'b, son argent l'a distrait durant la journée, de là à là. Et lorsqu'arrive la nuit, alors il est comme Jifatun Muntina, une charogne moisie. Une charogne, c'est-à-dire un corps mort. Le corps d'une bête morte, moisie. Yani, il s'est fatigué toute la journée pour son argent. Idha ja'a an-nahar, il a dit Al-Layl Meyyit. Couché, mort, il a fait trop d'efforts. Ici, il nous montre quoi, Mohammed ibn Ka'b? Maluhu ashkhalahu bin nahar wa mana'ahu min al-khayri bin layl. Son argent l'a occupé, l'a distrait pendant la journée. Et pendant la nuit, ce même argent l'a empêché de faire du bien. Pas de qiyam al-layl, pas. Quelqu'un qui a toute cette occupation va lui demander de faire qiyam al-layl. Demande-lui de faire qiyam al-layl. Sab, jidden, c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi, ayol, ikhwa, yajibu an takuna kulubuna muta'alliqa billahi tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que nos cœurs doivent être liés à Allah tabaraka wa ta'ala, pas à l'argent. Tu te fais du mal à toi-même. À courir à droite à gauche, Luxembourg, Après, tu arrives à la maison le soir. T'as fait, comme si tu as fait un sprint toute la journée. Toute la journée, tu as fait un sprint. Tu es essoufflé. Bah. Rendez-vous, Fajr. S'il se réveille pour Fajr. Il se réveille parce qu'il faut faire le travail. Ah oui, il faut aller travailler. Les frères, c'est une moussiba, les frères. C'est vraiment une moussiba. Le fait de courir après l'argent comme ça. Et ça nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taj'al musibatana fi dinina. Ô Seigneur, ne fais pas en sorte que le mal qui nous touche soit dans notre religion. T'as des gens, ils sont là dans dunya, et ils voient pas qu'ils sont dans une moussiba, dans un mal. Ils ne voient pas qu'ils sont dans un mal. En train de courir. Qu'est-ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Yahsabu anna malahu akhlada » il pense que son argent va l'immortaliser. Certains savants, ils disent, Lisa al-ma'na annahu yadhun annahu Khalid la yamut. Ce qui est voulu par là, certains savants nous disent, ce qui est voulu par là, ce n'est pas que cette personne pense qu'elle ne va pas mourir. Lakinahu yadhunnu anna malahu sayukhlidu dhikrahu. Ce qui est voulu, c'est que il pense que son argent va rendre éternel son nom, sa renommée. Mashallah, Namet, il est mort, mais il avait 1 million. Il avait tant d'argent. Ah! Certains pensent que c'est ça. Que cet argent que tu as va faire que les gens vont faire tes éloges par la suite. Taïb. Regardons. Fit-tarikh al-islami. Dans l'histoire de la communauté musulmane. Un homme qui était riche et qui ne dépensait pas dans le bien, qui était accroché à son argent, qui est mort, et qu'après sa mort, on continue à faire ses éloges. Les savants nous disent, cherchez. L'antajidou, vous n'avez pas trouvé. Parce que celui qui est comme tel, les gens le blâment. Bakhil, égoïste, avare, les gens le blâment. Et donc ne pense pas, oh cher frère, que ton argent, que tes biens te seront d'aucune utilité. Ce qui t'est profitable, c'est le fait de faire tes obligations, de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de toi. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala réplique à cela, à cette croyance, mais non, il sera jeté dans Al-Hutama. Al-Hutama, ismun min esma'il jahannam. Al-Hutama, c'est un des noms de l'enfer. Les savants nous disent que l'enfer a été appelé comme cela, l'enfer a été appelé comme cela parce que l'enfer brise tout ce qu'elle contient. Tout ce qui se trouve dans l'enfer se fait briser. Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre son feu, oh chers frères. C'est pas pourquoi on entend ces versets, ensuite on fait comme si de rien n'était. Non! Il faut qu'on fasse attention. Qui te dira ce qu'est le hutama? Prenez garde, faites attention, oh ibadallah! Narullah il-muqadah. Le feu d'Allah qui est attisé. فأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه. Allah تبارك وتعالى s'est donc attribué ce feu, le feu d'Allah. C'est pas le feu d'un tel ou un autre, le feu d'Allah. Pourquoi? ليبين أن هذا العذاب وهذه العقوبة إنما هي مبنية عن عدل لا ظلم. Pour montrer que ce châtiment, cette punition est basée sur la justice, et pas l'injustice. Ces gens-là ont mérité ce châtiment. Ils ont mérité le feu. Ils ont mérité d'être jetés dans le feu. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Ce feu qui parvient jusqu'au cœur. Subhanallah al-'alim. Un feu qui parvient jusqu'au cœur. Mais anna al-qulub fi soudour, alors que les cœurs sont dans les poitrines. Mais ce feu parvient jusqu'au cœur. Allah Azza wa Jal nous met en garde, ô serviteurs d'Allah. Nous devons faire attention. Il sera trop tard pour regretter par la suite. Innaha alayhim mu'sadah. Certes, ce feu se renferme sur eux. Ils ne peuvent pas en sortir. La yakhrujun. La yakhrujun. Ils ne sortent pas de ce feu. Ils y resteront éternellement. Kullama aradu an yakhruju fiha u'idu fiha. An yakhruju minha u'idu fiha. À chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils seront ramenés vers le feu. Les savants, ils nous disent, quel est ici, pourquoi est-ce qu'ils peuvent vouloir sortir? Il y a une différence en fait quand tu es attaché ou tu sais que tu ne peux pas sortir. C'est fini, tu sais que tu ne peux pas sortir. Et une différence avec le fait d'avoir l'espoir de sortir. Avoir l'espoir, ça fait encore plus mal. Quand tu as l'espoir de sortir, tu vas sortir, tu retournes. Ça fait encore plus mal. Quand tu penses que tu vas réussir à sortir, et en fait, non, on te ramène vers le feu. Il mérite ce châtiment. Allah Azza wa Jal nous met en garde contre cela, oh chers frères. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il nous dit dans son tafsir, il nous dit « La yanbaghi lil muslim an yaqra'a hadhihi al-ayat. Hakadha. Wa la yata'ammal fiha. » Il ne convient pas aux musulmans de lire ces versets sans y méditer. Mais quand tu lis ce genre de versets, c'est pour t'éloigner des caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a citées. Le fait de critiquer les gens jour et nuit injustement, chercher les défauts de ton frère à droite à gauche, le fait d'être accroché à l'argent, d'être distrait par cet argent. Elle mêle. Lorsque tu lis ces versets, oh cher frère, efforce-toi de t'éloigner de ces caractéristiques. Car Allah Azza wa Jal a clairement montré que ces caractéristiques font partie des caractéristiques des gens du feu. Des gens du feu. Éloigne-toi, oh cher frère. Iyak. Éloigne-toi de cet argent, de cette fitna. Et comme je l'ai souvent dit et je le redis, cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, yanbaghi lin-nas an yastakhdimu al-mal kastikhdamihim li al-khala. Les gens doivent utiliser l'argent de la même façon qu'ils utilisent les toilettes. Est-ce que les toilettes, quand tu te réveilles, les toilettes, tu dis, est-ce que les toilettes sont ouvertes? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu retournes plusieurs fois dans la journée? Est-ce que dans ton téléphone? Est-ce que les toilettes? Est-ce que tu t'accroches comme ça aux toilettes? Non, les toilettes, tu vas quand tu as besoin. Quand tu ressens le besoin, tu vas. Sinon, tu n'y penses même pas. La pièce de la maison, tu n'y penses même pas. Comme ça, tu dois faire avec l'argent. Tu penses quand tu as besoin. Ne laisse pas ton cœur être accroché à cet argent qui te distrait, qui t'éloigne de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.